chillo met fesse en Kaila. Belle glace. Écoutez ça, sexy. Top on the beat. Parlez trop vite, bouche, point, j'ai qu'à faire sick. Un real bad man, besoin y'a ghetto gyal chic. Nous pas qu'à speak shit, bête à chuit, combo kit. Pas au choc, la grosse, à costaud, qu'on jeep shit. Elle me chie, elle dit qui sorti ma tinique. La bête raide après, y'en tuyé, vira pique, et puis un gros fesse, qu'on ça ou pas qu'à manger pièce quick. Y'en qui d'en bressiré, net. Bon, qu'elle a chat, t'as donc obligé, prêt. Le ou kabak, qui top obligé, qu'il est dead. Ou dis-moi, sec, my dick, in a bed. Même un bel Fiji Coutuis go fesse. Quel achat t'as donc obligé prêt. Le ou kabak qui t'en obligé qu'il est dead. Ou dis-moi suck my dick in a bed, in a bed. Ou dis-moi suck my dick in a bed. On peut pas arrêter à distance, sous trop bonne. Hey, la toximète basse la si on. Criez moi Superman, ou c'est super au cochon. Chaque coup de fesse qui a pesé plaisir tonne. Attends, faut pas on y comportement suspect. Nous prenons l'air au tel à panier bagay bagay lè. La niye qui bat gyal ka mate sa in deck. Kale sa in deck. Fout sa belle lè ou ka penche corps. Ah bon? Hey yo ex faut ba mwen yapte. Pas dis moi comme on y tosse, il m'en collé trop fort. Faut qu'ou ba mwen pli fort encore et encore. Tant qu'il top on the beat. Parlez trop vite, bouche point j'ak a fait sick. Un real bad man besoin y'a ghetto gyal chic. Nous pas qu'à speak shit, bête à chuit, combo kit. Pas au choc la grosse, à costaud qu'on jeep shit. Elle me chie, elle me dit qui saute. La bête raide après y'en tuyé vira pique et puis un gros fesse qu'on sa ou pas qu'à manger pièce quick. Y'en qui d'ombre serré. Écoutez ça m'en pas qu'à rire. J'ai bien matos la vine tapé ça qu'on lobby. Put your hands on my bad face et qu'on s'y en ta kami. Y'en mi ready pour ça ina de dance and shelly. Mi nous commet en daily X-Men. Y'en mi ready. Y'en mi ready. Are you ready? Est si ready? Cap cop mi galina de coq. Honey, ouvrez un ghetto gyal a carol lot. Shelly, apparemment nous j'en ready pour fuck. On the beat. Parlez trop vite, bouche, moins j'ai qu'à faire sick. Un real bad man besoin y'a ghetto gyal chic. Nous pas qu'à speak shit, bête à chuit, combo kit. Pas au choc la grosse, à costaud qu'on jeep shit. Elle me chie, elle me dit qui sorti ma tinique. La bête raide après y'en tuyé, vira pique et puis un gros fesse qu'on ça ou pas qu'à manger pièce quick. Y'en qui d'ombre serré. Bon, qu'elle a chat, t'as donc obligé prêt. Le ou kabak qui t'en obligé qu'il l'aime.